Aumône de la fin du mois de Ramadan. Aumône de la fin du mois de Ramadan. Zakat al-Fitr. La Zakat al-Fitr, ou aumône de la rupture du jeûne, est une forme d'aumône obligatoire pour tout musulman, quel que soit son statut, qu'il soit libre, esclave, homme, femme, jeune ou âgé. Cette aumône doit être donnée par le musulman, avant tout pour lui-même, mais aussi pour toute personne sous sa tutelle, au plus tard avant la prière de l'Eid al-Fitr, qui suit le mois du Ramadan. Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, a dit « Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a rendu la zakat al-fitr obligatoire en guise de purification du jeûne de celui qui s'est laissé aller à des propos futiles, de vains discours ou actes inutiles, des propos ou attitudes obscènes, mais aussi afin de nourrir le pauvre. Donc, pour quiconque la donne avant la prière de l'Aïd, elle constitue une aumône acceptée, et pour quiconque la donne après cette prière, elle constitue une aumône ordinaire. » Hadith rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, et authentifié par Al-Hakim. Bien qu'il soit meilleur de la donner le jour de l'Aïd, il est aussi permis de s'en acquitter un ou deux jours avant. La quantité à donner représente un sa'a, soit quatre amdad, singulier, moud, quantité que peuvent contenir les deux paumes de la main réunies, de la nourriture locale en vigueur dans le pays. Abu Sa'id, qu'Allah l'agré, a dit « Quand le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, était parmi nous, nous avions l'habitude de donner la zakat al-fitr pour chaque personne, jeune ou âgée, libre ou esclave, un sa'a de blé, de fromage, d'orge, de dattes sèches ou de raisins. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La zakat al-fitr doit être donnée sous forme de nourriture. Elle ne doit pas être donnée sous forme d'argent. Quiconque ne possède pas l'équivalent d'un jour de nourriture n'est pas tenu de s'acquitter de la zakat al-fitr.